À table! Ça sent bon. J'adore les pizzas. Comment est ta pizza, Manon? Elle est délicieuse et chaude. Miam miam. Sers-toi de la salade verte. Elle est fraîche. Fais attention aux frites, elles sont très chaudes. Est-ce que tu aimes le fromage? Oui, j'adore le fromage, surtout s'il est fort. Est-ce qu'il y a du pain? Oui, il est là, derrière le saladier.